Chambre noire, lueur orange, peau caressée, négatif, instantané. Dans ton lit, on ouvre les pages, d'un album, souvenir enlacé. Je te regarde, je te photographie, tu me gardes et tu souris. Odeur de l'amour, corps en mouvement, paroles chuchotées, ou cris dans la nuit, un homme, une femme, allongée, à tout jamais, se sont endormis, tu me regardes, tu me photographies, je te garde et je souris.